Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 82e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Alzan. Jérôme, bonjour à vous. Bonjour. Jérôme, vous êtes docteur en physique, vous avez enseigné la mécanique quantique et la physique statistique à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. Mmh. Vous êtes ce qu'on appelle un scientifique et ça tombe bien puisque vous sortez dernièrement un bel ouvrage aux éditions Contre-Culture qui fait le point sur l'évolution contemporaine de la science, mythes et réalités de la science, des principes fondamentaux à la fuite en avant du transhumanisme. Chers auditeurs, nous allons en parler tout de suite et pour cela, vous le savez, je suis accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour. Jérôme, vous êtes un nouvel auteur contre-culture, nos auditeurs ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous ? Je suis un scientifique de formation qui a suivi le cursus classique universitaire, donc deuil, licence, maîtrise, DEA, donc aujourd'hui ça s'appelle master, puis une thèse donc, de doctorat en physique, réalisée dans une fac parisienne. Voilà. D'accord, et aujourd'hui vous sortez ce livre chez Contre-culture, oui. Mythes et réalités de la science. Racontez-nous s'il vous plaît la genèse de ce livre. Alors... Quelles sont les motivations qui m'ont poussé à écrire ce livre ? C'est qu'en fait, j'ai constaté à maintes reprises une certaine inculture dans la population sur les questions scientifiques, parce que en fait, la science, c'est un milieu très peu connu, donc fantasmé. Donc, le but de l'ouvrage, c'est un petit peu de faire le point et de démythifier tout ça. Donc, l'ouvrage est divisé en 5 parties. La première partie, c'est une sociologie élémentaire de la science, parce qu'on est bien obligé de comprendre comment elle est fabriquée. Donc, c'est une industrie désormais. Il y a 6 millions de chercheurs dans le monde et environ 1 000 milliards de dollars dépensés chaque année dans le secteur R&D au sens large. Donc ça justifie un premier chapitre qui est une sociologie de la recherche contemporaine. D'accord. Et alors quel est justement l'état de la recherche aujourd'hui ? En France, il n'y a rien de particulier. De toute façon, la recherche aujourd'hui, elle est mondialisée. Donc la recherche en France, elle est exactement dans le même état que la recherche en Allemagne, aux États-Unis ou même en Russie ou dans n'importe quel autre pays du monde. Donc il n'y a rien de spécifique à la recherche française, en fait. À part peut-être le fait que beaucoup de chercheurs en France soient des fonctionnaires, comme des fonctionnaires de base, n'importe lesquels. Donc... Alors, ce que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est l'hyper-spécialisation de la recherche scientifique et l'accélération de ce processus au cours des dernières années. Entre autres, oui, j'évoque le sujet de l'hyper-spécialisation, puisque... Alors, si on prend l'histoire des sciences, en fait, l'histoire des sciences, c'est une histoire de grande synthèse. On essaye de réunir des phénomènes différents dans une seule même théorie. Donc ça existe toujours, mais ça c'est vraiment de la recherche de pointe qui concerne une infime proportion des théoriciens. La plupart des chercheurs aujourd'hui sont hyper spécialisés, donc en fait ils travaillent sur des choses, sur des sujets tellement cloisonnés qu'en fait c'est des sujets totalement impénétrables, même à des chercheurs de la communauté voisine. Donc c'est devenu quelque part, le terme exact ce serait du pinaillage, quoi, du raffinement un peu... des raffinements trop sophistiqués qui n'apportent pas grand chose finalement, donc c'est vraiment la recherche du détail pour du détail sans avoir une vue globale des phénomènes physiques. Donc ça c'est l'hyper spécialisation. La plupart des chercheurs aujourd'hui dans le monde sont hyper spécialisés. Et pourtant la recherche scientifique, oui, dépend de plus en plus des besoins du marché. Comment vous articulez ces deux phénomènes ? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la recherche dans la plupart du temps ? C'est de l'innovation, c'est-à-dire en fait, c'est des variations de sujets qui ont déjà été traités maintes et maintes fois. Donc en fait, c'est comme, imaginons, prenez exemple, par exemple d'un téléphone portable, vous avez la version 1, la version 2, la version 3, tout ça, c'est des infimes variations du même appareil de base. Donc la recherche, c'est un peu la même chose, vous avez des spécialités, et on raffine, sans rien apporter de fondamentalement nouveau. Donc ça, c'est vraiment l'hyper-spécialisation. Voilà, ça, c'est la thèse de votre livre. Une des thèses de votre livre, c'est que malgré l'accroissement des moyens mis dans la science, l'efficacité des scientifiques, en tout cas leur capacité à faire des trouvailles réelles, est bien moindre qu'il y a plusieurs siècles. Ça, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut vraiment les blâmer ? Peut-être que les scientifiques ont mangé leur pain blanc, tout ce qui était facile à découvrir, ça a été découvert. Donc c'est vrai qu'il y a des sommes immenses engagées pour finalement très peu de résultats. quoi qu'il faudrait relativiser. C'est vrai qu'à l'époque de au début du 19e siècle ou à l'époque de Darwin ou même des physiciens du début du 20e siècle, il y avait beaucoup moins de moyens engagés, sans parler de l'époque de Galilée ou de Newton où il y avait quasiment aucun moyen engagé. Donc mais est-ce qu'on peut blâmer les chercheurs aujourd'hui là-dessus? Je pense pas, parce qu'en fait les sujets sont devenus plus complexes. Il faut plus de temps pour les pénétrer. Et il y a aussi le fait que peut-être que tout ce qui était simple à découvrir a été déjà découvert. Donc en fait, on injecte de l'argent en espérant faire des découvertes majeures qui vont effectivement, dans le système capitaliste actuel, déboucher sur des débouchés économiques. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, c'est vrai que le taux a tendance à baisser, ça c'est sûr. Et en même temps, donc, l'autre versant de la médaille, c'est l'utilisateur, lui, qui voit en revanche une accélération pratiquement des innovations. On a l'impression de vivre dans un monde où il y a de plus en plus de trouvailles. Oui, alors ça c'est parce qu'il y a un développement spectaculaire de la technologie, mais elle n'est pas vraiment liée encore à la recherche fondamentale, parce que tout ce qui est aujourd'hui fourni sur le marché résulte de principes de base physique qui sont connus depuis bien longtemps. Donc en fait, c'est juste le simple fait que le marché injecte tellement de moyens qu'il y a effectivement tout ce qui est techniquement possible doit être réalisé. Donc en fait... C'est une opération tout azimut, donc on va tenter tout ce qui est possible. Donc voilà, donc le marché, les grandes entreprises innovent énormément, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamentalement nouveau là-dedans? Je ne pense pas. Alors comment est financée la science? Alors elle est essentiellement financée, alors il faut distinguer la partie militaire de la partie civile. Bon la partie militaire c'est évident, c'est les États. Et la partie civile, il y a une partie qui est effectivement financée par les grands États, les organisations supranationales comme l'Union européenne ou d'autres organismes. Et donc elle est financée sur fonds publics pour la part civile. Et une partie relativement faible d'ailleurs est financée par les grandes entreprises. Voilà, donc c'est essentiellement de l'argent public quand même. Alors, il y a un aspect que vous abordez dans votre livre qui est celui de la fraude, du plagiat dans la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un sujet tabou dans la science. C'est le tabou des laboratoires, en fait. Pourquoi la fraude augmente? Alors, en fait, il faut comprendre aujourd'hui comment fonctionne au quotidien le travail d'un chercheur. Pour pouvoir faire de la recherche, il faut lever des fonds. Et pour pouvoir lever des fonds, il faut avoir un CV qui comporte un certain nombre de publications. Il faut publier pour être vu sur le marché. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Si vous n'avez pas de publication, vous ne touchez pas de fonds, vous ne pouvez plus progresser. C'est pas possible. Publier qui ne veut pas dire être lu. Ce sont deux choses bien distinctes. Non, la plupart des articles sont des palabres, des redites. Personne ne les lit vraiment. Il y a une infime minorité des publications qui sont dignes d'être lues. Le reste, c'est vraiment des redites, des variations mineures, des choses carrément fausses de temps en temps, même d'ailleurs. Oui, donc il y a cette pression de publish or perish, donc publier ou mourir, c'est le credo universitaire le credo universitaire anglo-saxon. Il faut publier pour continuer à sa carrière académique. Donc il y a déjà d'emblée un biais. Si la carrière d'un chercheur dépend de son nombre de publications, il a tout intérêt à multiplier les publications. Et donc certains, évidemment, s'écartent des règles déontologiques et éthiques. Donc forcément, la fraude et le plagiat ont tendance à augmenter, ça c'est sûr. C'est même devenu, je pense, un problème très, très important en recherche médicale, par exemple. Et d'ailleurs, il y a même des grands noms, des grands éditeurs. Je pense à l'éditeur du Lancet, la grande revue britannique, qui lui dit carrément que 95% de la littérature médicale est à jeter à la poubelle, carrément. Il le dit clairement, d'ailleurs, je le cite dans mon livre. Et c'est quelqu'un qui est très haut placé. Donc si lui-même le dit, c'est qu'il y a un réel malaise. D'ailleurs, plusieurs grandes firmes ont tenté de reproduire des études médicales. Donc la firme américaine Amgen ou Bayer, l'allemand à Bayer. On se rend compte qu'il y a une immense crise de la reproductibilité. C'est-à-dire qu'en fait, des études qui ont été publiées, qui ont été refaites par d'autres groupes, on se rend compte que rien ne fonctionne, que tout est bâclé, que oui, il y a un gros problème là-dessus. En recherche médicale, ça c'est certain. Alors sur ce manque de sérieux dans les publications scientifiques, on a l'exemple de l'affaire Sokal et Jean Bricmont, qui avaient publié justement... Ça c'est en sociologie plutôt. En sociologie, mais de façon volontaire, un article qui ne voulait rien dire. Et cet article, étant donné la notoriété des auteurs, était passé dans une revue étoilée. Oui, je me rappelle très bien. Donc, donc l'exemple d'une escroquerie qui a fonctionné. Alors là, c'est en sociologie, c'est à mon avis, en sociologie, c'est assez différent, parce que c'est pas une science dure, donc on peut un peu dire un peu n'importe quoi. Donc le problème est encore exacerbé dans les sciences... Bien sûr. Alors en sciences dures, la difficulté, c'est qu'il faut refaire les expériences, en principe, ou refaire les calculs, tout le monde n'a pas le temps de le faire, mais c'est plus dur de frauder, je pense, en physique, par exemple, qu'en sociologie, ça c'est sûr. Parce qu'on peut pas totalement dire n'importe quoi non plus, quoi. Et donc, Jérôme Alzan, qu'est-ce que la junk science ? La junk science, c'est un peu comme les junk food, c'est le fast food de la science. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le résultat de tout un nombre de travers qui traversent la science. Donc l'hyper-compétition, l'hyper-spécialisation, la massification aussi. Bon, il y a 6 millions de chercheurs, il ne peut pas y avoir que des génies là-dedans. Donc... forcément, il y a un côté massification, hyper-démocratisation. Donc, on se retrouve avec une communauté scientifique qui est un peu à l'image de la société, un peu médiocre, quoi, finalement. Donc, il n'y a rien de spectaculaire. En fait, la science, le monde de la science, en fait, n'est pas très différent du monde extérieur. Enfin, finalement, ce sont des gens comme tout le monde maintenant. Donc, il y a peu de gens réellement passionnés par leur sujet, je pense. Il y a des médiocres, il y a des carriéristes, il y a des gens qui sont très sérieux, il y en a qui ne font rien, c'est un peu... La junk science, c'est le résultat de tout ça, c'est le résultat de l'hyper-compétition, l'hyper-spécialisation, la massification, les luttes pour les ressources, la lutte pour les ressources financières et même de main-d'œuvre, puisque les étudiants sont considérés comme de la main-d'œuvre. Donc voilà, donc c'est le résultat de tout ça. Donc finalement, la junk science, c'est de la science pourrie, quoi. C'est... Alors en conclusion, sur l'état de la science aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce monde dans lequel vous travaillez et vous vivez ? En fait, moi, c'est pas un livre anti-scientifique en réalité. Je comprends que tout se passe mal, au fond, parce que c'est à la limite, c'est pas un problème d'individu, c'est un problème des règles qui sont imposées un petit peu à la communauté scientifique. Déjà, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus dur de faire des découvertes, parce qu'en fait, ce qui était simple à découvrir, ça a été découvert, enfin, simple entre guillemets. Donc, fatalement, on se retrouve avec des chercheurs qui, tant bien que mal, essayent de faire leur boulot, mais les règles sont mauvaises, et on se retrouve face à une communauté scientifique qui est un petit peu en perte de repères, qui ne sait pas trop où elle va, qui ne sait plus vraiment quelles sont ses missions. Il y a aussi un phénomène d'éparpillement du savoir. Avant, il y avait un savoir un petit peu... On essayait d'intégrer le savoir, d'intégrer des vues différentes dans une vue plus globale. Aujourd'hui, il y a plus un phénomène de dislocation, de perte de repères. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de constater une spéculation dans la recherche scientifique basée sur des présupposés ou des postulats pour le moins douteux ou contestables ? Bon, déjà, en science, il n'y a pas de vérité. Donc, il y a un consensus. Il y a des énoncés qui sont robustes. S'il n'y a pas de vérité, c'est que ce n'est pas si dur que ça. Et ce n'est pas du tout l'objet de la science de dire la vérité. L'objet de la science, c'est de faire un lien entre les faits observés et des théories. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Par contre, ce qu'on peut dire, le discours scientifique n'est pas une illusion... ce n'est pas la première illusion venue. Donc, il y a quand même quelque chose de... il semble quand même que la science dit quelque chose du réel. Enfin, on ne décrit pas le réel, on semble flirter avec le réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des choses, je pense au principe de conservation d'énergie, par exemple, des choses qui semblent assez robustes et résister à l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'en fait, même en y passant plusieurs fois dessus, on constate que ça fonctionne toujours. Donc, okay. Quelles sont justement ces choses robustes et... Ça, c'est le deuxième chapitre. On y vient. Donc le deuxième chapitre... L'art de la transition. Voilà, le deuxième chapitre est consacré aux concepts fondamentaux qui sont utilisés dans la science. Donc à savoir l'énergie, la température, l'entropie, la chaleur... Si vous permettez, on va les prendre un par un et vous allez les expliquer en quelques mots. Pas forcément tous les expliquer aujourd'hui. Pour les auditeurs, de façon vraiment didactique. Alors qu'est-ce que l'énergie par exemple ? Alors déjà, l'énergie c'est pas quelque chose. C'est un concept, c'est-à-dire c'est une idée qui a été forgée par les physiciens. Alors il faut savoir que c'est un concept, tout le monde entend parler d'énergie en permanence, ça semble assez intuitif pour beaucoup de gens, et en réalité c'est une notion extrêmement abstraite. Donc d'ailleurs, en fait, le concept scientifique strict d'énergie n'apparaît qu'environ au milieu du 19e siècle. Avant, on ne sait pas trop ce que c'est, on confond force, énergie, puissance, tout ça c'est confondu. Par les scientifiques avant 1850, on va dire. Tout ça, c'est un peu confondu. Et en fait, c'est un concept qui a été forgé donc, au milieu du 19e siècle. Ça résulte d'un long travail de maturation d'idées sur ces différentes notions. Et c'est le résultat aussi d'une formalisation mathématique, parce que quand vous parlez, vous utilisez un langage, le langage humain, qui est assez imprécis, circulaire. Et avec la formalisation mathématique, les physiciens du 19e siècle ont pu se parler entre eux, même si un Allemand pouvait parler à un Écossais, ou un Italien, ou un Français. Finalement, ils parlaient le même langage avec les mathématiques. Parce que donc, c'est assez important. Alors maintenant, de quoi l'énergie est-elle le nom ? C'est ça la question. L'énergie, en fait, c'est un principe de conservation. Quoi que vous fassiez, que vous considérez des réactions chimiques, nucléaires, de l'hydraulique ou de l'électricité, l'énergie se conserve toujours, toujours, toujours. C'est un nombre qu'on peut calculer sur un système donné. Elle se conserve toujours. Donc c'est une étrangeté de la science, c'est une étrangeté de la nature, liée à un nombre qui se conserve toujours. On peut le calculer en fonction du système qu'on étudie, et ce nombre se conserve. Donc en fait, stricto sensu, on ne produit jamais d'énergie. On convertit une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Donc c'est un des exemples que j'aborde dans le second chapitre, donc où j'explique en détail la genèse de ce concept et à quoi elle correspond dans la nature. Et Jérôme Alzan, la température c'est quoi ? Alors, toujours pareil, c'est pas quelque chose, c'est un concept qui est en fait aussi. Là aussi, c'est très. Si vous posez la question à l'homme de la rue, la température pour lui, c'est évident, c'est soit chaud, soit froid. Donc en gros, c'est quelque chose comme ça. Donc, mais en fait, non, pas du tout. En fait, stricto sensu, si je vais vous le dire parce que ça va faire un petit peu rigoler les éditeurs, la température, c'est la dérivée partielle de l'énergie par rapport à l'entropie et à variable extensive constante. Ça, c'est une définition stricte. Pareil, qui a été proposé au milieu du 19e siècle. Ça, c'est la définition stricte de la température. C'est pour montrer qu'en fait, même des concepts simples comme ça, qui ont l'air intuitifs, en fait, dès qu'on commence à les creuser, à essayer de comprendre à quoi ils correspondent dans la réalité, dans la nature, on va dire, on se rend compte que tout de suite, tout devient très étrange, très mystérieux, très compliqué. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce second chapitre. C'était pour bien montrer qu'en fait, l'utilisation des concepts comme ça dans le langage quotidien, énergie, température, dès qu'on cherche à savoir à quoi ça correspond, ça devient très compliqué. Donc la température, en fait, on peut la définir de plusieurs façons. Je viens de vous donner la formule mathématique exacte, mais en fait, ça correspond. On peut l'interpréter comme un mouvement d'agitation et des molécules, et c'est elle qui gouverne par exemple beaucoup de réactions chimiques. Voilà, les réactions chimiques, donc en fait par exemple la croissance des plantes dépend de la température, voilà, donc c'est un paramètre qui gouverne un petit peu l'activité chimique à la surface de la Terre, et pas qu'à la surface de la Terre d'ailleurs, dans l'univers, hein, qui gouverne les réactions nucléaires au cœur des étoiles. Alors on va en venir maintenant au cœur de votre livre, et vous abordez tous ces termes qu'on entend de plus en plus sans pour autant pouvoir mettre souvent de réalité derrière parce qu'on ne les maîtrise pas, tout ce qui est spectre électromagnétique, les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et gamma. Est-ce que vous pouvez un peu dresser un panel de tout ce vocable, l'expliquer pour les auditeurs afin qu'ils aient des idées plus claires sur ces sujets-là? Oui, il y a aussi un chapitre qui est consacré à la civilisation. Alors, ce que j'appelle la civilisation électromagnétique, parce qu'en fait, nous vivons dans un monde complètement colonisé par un nombre de gadgets. Il y en a partout, des ondes radio, effectivement, les télécommunications. Et tout ça, c'est le résultat d'en fait d'un travail aussi de maturation des physiciens au 19e siècle. C'est le résultat d'une grande synthèse qui s'appelle la théorie électromagnétique. Qui a été faite par James Clerk Maxwell, un Écossais, et qui a débouché sur un nombre considérable d'innovations, de découvertes, de mise au point de machines. Donc effectivement, le spectre électromagnétique couvre, ça va des ondes radio pour les grandes longueurs d'onde jusqu'au rayon X pour les courtes longueurs d'onde. Et tout ça, en fait, c'est toutes ces ondes, en fait, donc visibles, infrarouges, ultraviolets, ondes radio, tout ça, c'est décrit par le même formalisme. Et ça débouche sur un nombre considérable d'innovations. Donc, en fait, j'ai passé en revue un petit peu toutes les applications des ondes électromagnétiques, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses, par exemple, au sujet de HARP. J'ai entendu beaucoup de choses, comme quoi, avec des systèmes d'ondes, on pourrait modifier le climat. Je dis que c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas assez d'énergie, c'est pas du tout l'objet du système HARP de modifier le climat. C'est un objet d'étude pour la ionosphère. Il n'y a rien de, comment dire, Il n'y a pas de projet derrière. Non, machiavélique de destruction d'humanité. D'accord. Par un hypothétique système d'antenne qui émet quelques milliwatts à 100 km d'altitude. Ça, c'est clairement non. Il n'y a pas de possibilité d'utilisation de ce système HARP pour le contrôle du climat. Donc la question qui vient naturellement, c'est le changement climatique dont on nous rebat les oreilles dans les médias. Quelle analyse on peut en faire ? Alors, déjà, la première remarque à faire, c'est que il faut bien distinguer le climat de la météo. Et ça, c'est une confusion qui est tout le temps entretenue dans les médias. La météo, c'est ce qui concerne les temps courts, donc le quotidien, au pire, la semaine. Le climat, c'est ce qui concerne les échelles de temps longues, la décennie, la centaine d'années, les milliers d'années. Jamais, jamais, jamais un homme ne pourra ressentir l'effet d'un changement climatique. C'est pas possible. Car le climat concerne les temps longs. La météo, c'est le bruit du climat. C'est ce qu'on observe tous les jours. Parfois, il fait chaud, parfois, il fait froid, parfois, il pleut, parfois, il fait sec. Ça, c'est une première distinction qui est, à mon avis, très importante à faire parce qu'elle est savamment entretenue dans la presse, la télévision, partout. Donc, la météo, c'est pas la même chose que le climat. Donc, cet été, il fait très, très chaud ou anormalement frais, on ne pourra rien en dire sur l'évolution du climat de la Terre. Ça, c'est une première... j'y tiens parce que c'est vraiment la première source de confusion. Ensuite, ce qui frappe quand on rentre dans ce genre de sujet, c'est son extraordinaire complexité. Je m'explique. La climatologie, en fait, c'est une science composite, et relativement jeune d'ailleurs, on peut dater d'environ des années 50, qui concerne les flux d'énergie et de chaleur et de matière entre différentes sphères de la Terre. Qu'est-ce que j'appelle les différentes sphères de la Terre ? Il y a l'hydrosphère, les océans, la mer, les fleuves, la cryosphère, donc la glace, au pôle et dans les glaciers, la lithosphère, donc ça c'est les sols, donc avec la végétation, et l'atmosphère. Donc ça c'est quatre systèmes physiques qui sont à la surface de la Terre, qui sont en interaction les uns avec les autres. Et la climatologie, c'est comprendre ce qui se passe entre ces quatre sphères. C'est une science donc très complexe, et ce qui frappe vraiment quand on rentre dedans, c'est son extraordinaire... ça foisonne de résultats. Donc en fait, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de climatologue. Il y a des physiciens de l'atmosphère, des chimistes de l'atmosphère, des physiciens des océans, des chimistes des océans, des spécialistes des glaces, des spécialistes du rayonnement solaire, des étoiles, enfin du soleil, des spécialistes de la formation des nuages. Tout ça, c'est plein de sous-spécialités dans la climatologie. Et la climatologie, c'est le résultat de la synthèse de tout ça. Donc, en fait, vous avez des scientifiques qui travaillent dans des sous-branches. Et au-dessus de tout ça, vous avez des modélisateurs qui intègrent tous ces résultats dans des codes informatiques pour essayer de reproduire ce qui se passe dans le climat. Voilà, ça, c'est vraiment la définition de la climatologie. Donc, il faut bien comprendre que c'est un sujet très complexe, qui est soumis à un grand nombre de variables et qui est très difficile à maîtriser. Donc quand on nous dit que les résultats, c'est sûr, à 99%, parce que c'est souvent un peu proclamé dans les rapports du GIEC, celui, par exemple, le rapport qui est destiné aux decision makers, si je me rappelle bien. Eux, ils ont un rapport où on leur dit que c'est sûr. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit si sûr que ça. En fait, moi, mon but, ce n'est pas de dire c'est vrai ou c'est faux. C'est de donner des armes aux gens pour comprendre qu'en fait, il y a plusieurs discours, même au sein de la communauté scientifique. Il y a des tenants de la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est ça qui est important, par rapport à la production de CO2. Il y a des opposants à la thèse, il y a des gens qui sont entre les deux. Et ensuite, il y a un troisième discours, c'est celui de Nicolas Hulot, des propagandistes en gros, qui des alarmistes, des gens qui affolent la population avec ça, on nous rabâche les oreilles en permanence avec ça. Ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que c'est pas si clair que ça. Il y a même encore des débats au sein de la communauté scientifique. Alors en France, il y a c'est assez verrouillé. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a quand même une communauté climato qui est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit sur le réchauffement climatique. Et les débats existent, même aux États-Unis. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, on nous dit, c'est le lobby pétrolier d'ailleurs. Non, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment des scientifiques qui doutent. Et ils ne disent pas si c'est vrai ou c'est faux. En fait, ce qu'ils disent, eux, c'est que c'est pas si clair, c'est pas si net. C'est ça, à mon avis, le plus important à voir. C'est qu'en fait, non, la science n'est pas établie, comme avait dit Al Gore lors d'une conférence. C'est pas si sûr que ça. Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas clair, c'est pas tranché comme on nous le dit, quoi. Alors il y a quelque chose qui est frappant dans votre livre et que j'ai retenu, c'est que la température est enregistrée par les diverses civilisations depuis pas si longtemps que ça en réalité. Déjà l'invention du thermomètre, c'est le XVIIe siècle avec Réaumur et Celsius. Et les premières mesures de température systématique, ça se passe qu'en Europe. C'est le continent où la technologie s'est développée en premier. Donc les températures faites avec des thermomètres, c'est à partir de 1850, c'est en Europe. Après, c'est ce qu'on appelle les températures mesurées directement avec des thermomètres. Hein. Ensuite, il y a les températures relevées par la marine marchande et la marine militaire, donc en différents points du globe. Mais on n'a pas de données sur l'ensemble du globe pendant ce qu'on appelle la climatologie, observationnelle, on va dire. Hein. Donc à partir du 19e siècle, on n'a pas de données sur l'ensemble du globe. Les données qui précèdent... Là, vous êtes en train de nous dire, par exemple, que quand on entend... qu'il y a eu des périodes beaucoup plus froides au Moyen-Âge ou des périodes beaucoup plus chaudes à d'autres moments. Tout ça, ces données sont sujettes à caution. Pas forcément, mais c'est des données qui sont, on appelle ça des proxys, c'est des données qui sont reconstruites à partir d'autres indicateurs. Donc il y a une science, par exemple, qui s'appelle la dendrochronologie, c'est un mot compliqué, c'est l'étude de la croissance des cernes dans les arbres, donc le nombre d'anneaux. Et on peut reconstruire des températures là-dessus. Il y a aussi des mesures avec la glace, par exemple, au pôle. Puisque plus on creuse profond dans les pôles, plus on peut retrouver de l'air emprisonné. Il y a la datation isotopique à l'oxygène, on peut retrouver des températures comme ça. Oui, donc il y a plusieurs types de données de température. Et les données satellitaires, par exemple, ça ne concerne que les seuls États-Unis. C'est les seuls qui ont des données satellitaires, puisque c'est les seuls qui avaient les moyens d'avoir un réseau de satellites pour monitorer la Terre entière. Donc effectivement, il y a plusieurs jeux de données et il y a ce qu'on peut dire. Alors il y a plusieurs. C'est un sujet très vaste. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans le passé, il y a eu des épisodes plus chauds et plus froids qu'aujourd'hui. Ça c'est sûr. Par exemple, donc on a une courbe de température, donc qui vaut ce qu'elle vaut. Mais alors on nous dit souvent aussi que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Pareil, il faut relativiser, parce que là, j'ai pris quelques chiffres avec moi. Sous Louis XIV, il y a eu durant ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, les températures en France étaient terriblement basses pendant 2 ans, donc entre 1698 et 1699, ça a fait 2 millions de morts sur un royaume qui comptait 20 millions de sujets. Donc, quand on nous dit qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmes, si on remonte assez, même pas si loin dans le passé, Il y a eu des vagues de froid qui ont été dévastatrices et des vagues de chaleur aussi. Même en France, au XVIIIe siècle, toujours en 1714, une sécheresse terrible avec un climat de type, certains auteurs décrivent comme saharien, 700 000 morts, donc 30 ans plus tard, boum, rebelote. Donc les événements extrêmes, donc là c'est un autre sujet, donc c'est le sujet des événements extrêmes qu'on nous dit que le réchauffement climatique d'origine anthropique produirait. Si on va dans le passé et qu'on regarde les événements extrêmes, on peut en trouver mais moult et moult. Comme les cyclones aux Caraïbes qui faisaient 20 000 morts d'un coup. Ça a existé. Alors on ne peut rien en dire en fait, ce sont des événements extrêmes. On ne peut pas les relier à une telle ou telle modification climatique. Ces données tempèrent le catastrophisme ambiant tout à fait. Nourri. Et c'est pareil, vous parliez tout à l'heure de propagande à propos de ces sujets-là, avec des images effectivement impressionnantes d'endroits pollués avec des montagnes de déchets. L'ours polaire qui se noie, ça c'est fantastique. C'est génial comme image. Alors c'est fantastique parce que l'ours polaire, c'est un animal qui peut faire des centaines de kilomètres à la nage sans se fatiguer. Donc même s'il est sur un bout de banquise cassée, il pourra retrouver la banquise très facilement. Alors c'est l'image qu'on voit toujours dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération, c'est le fameux ours polaire qui est sur un bout de banquise cassée. Il n'y a aucun problème pour lui, il peut nager des centaines de kilomètres sans souci. Donc n'ayons pas peur pour les ours polaires. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer que, pour servir une idéologie, les scientifiques pourraient se fonder sur des études carrément fausses, pour le coup, en matière de climat? Je dirais pas forcément fausse. Je pense là-dedans qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, les scientifiques, ce sont des hommes comme les autres. Et chez les hommes, on trouve des courtisans. Donc, chez les scientifiques, on trouve des courtisans. Donc, il y a forcément des phénomènes de cour, d'amour du pouvoir. Donc, peut-être que certains, c'est même sûr que ça existe, que des scientifiques... par goût des caméras, par goût de la notoriété, par goût du pouvoir, hein, tout simplement, puissent traiter le sujet un petit peu par-dessus la jambe, sans réellement aller dans le détail, juste pour des questions de carriérisme, tout simplement. Ça, c'est, je vois pas pourquoi ce serait très différent. Alors, à ce propos, vous revenez sur ce fameux Climate Gate. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les grandes lignes? Le Climate Gate, c'est... Et en quoi est-il révélateur de tout ce... Alors, le Climate Gate, c'est un scandale scientifique qui a éclaté durant les années 2000. Normalement, dans la communauté scientifique, quand on dispose de données, on doit les partager. Donc, elles sont en open access, comme on dit, elles sont libres. Or, il se trouve que les données sont répertoriées par un organisme anglais qui s'appelle le AdQuet, je détaille dans le livre. Et normalement, donc, tout scientifique du domaine peut demander les données, par exemple, les relevés de température, par exemple, les courbes de température sur des milliers d'années, on a le droit de les demander, donc on peut les demander. Il se trouve qu'il y a un Français qui les avait demandé, qui s'appelait Vincent Courtillot, on lui a refusé. Donc on lui a dit non, on ne vous donne pas les données, alors pour des motifs fallacieux. Il y a aussi ça. Donc c'est pour dire qu'en fait il y a comme un précaré sur le sujet. Donc tout le monde ne rentre pas dans le domaine de la climatologie mainstream si facilement. Il faut vraiment montrer patte blanche pour pouvoir avoir des données. Donc c'est un problème qui a été réglé, mais qui relève quand même un certain nombre de dysfonctionnements, sur le fonctionnement de la climatologie internationale. Puis on rappellera à nos auditeurs que c'est un sujet qui, du point de vue économique, a également une importance considérable, puisqu'il conduira à une réforme législative mondiale sur les droits à polluer. Donc que ça pourrait justifier effectivement... Et en fait l'instauration d'un marché. Alors, voilà. Alors, pour le droit à polluer, c'est droit à polluer, donc c'est droit à émettre du CO2. Alors le CO2, c'est pas un polluant, c'est ni un toxique. Donc c'est une molécule qui effectivement absorbe le rayonnement infrarouge quand elle est dans l'atmosphère. Donc c'est l'argument du GIEC, hein. C'est-à-dire que l'augmentation du taux de CO2 piège d'autant plus le rayonnement infrarouge. Mais c'est pas un polluant, c'est pas un toxique. D'ailleurs, à bord des sous-marins, on tolère des taux de CO2 10 à 20 fois supérieurs à ce que nous respirons là aujourd'hui, sans que ça pose aucun problème aux sous-mariniers. Et d'ailleurs, c'est pas un polluant du tout, puisque c'est aussi la nourriture des plantes. Donc ça favorise la croissance des plantes par le mécanisme de la photosynthèse. Ça, pareil, c'est jamais rappelé. Vous lisez la presse ou vous écoutez la télévision, le CO2 c'est un poison. Donc pas du tout, c'est pas du tout un poison, c'est pas du tout un toxique, c'est même un élément essentiel à la vie. Donc après on peut discuter de sa concentration dans l'atmosphère et de son effet sur le piégeage du rayonnement infrarouge, mais c'est on ne peut pas le présenter comme un polluant. Donc c'est encore une confusion qui est savamment entretenue sur... Ensuite, les raisons économiques, j'imagine bien que cette volonté de réguler, d'émettre des taxes sur tout ça, c'est de la guerre économique, ouais, ça c'est évident. Mais ça ne relève pas de mon sujet en fait. Alors Jérôme Alzan, vous parliez de polluants tout à l'heure. Justement, il y a une théorie qui a cours sur Internet et qui a un certain succès, c'est celle des chemtrails. Alors qu'en pensez ? Alors, les chemtrails, d'où ça vient ? Donc, c'est assez récent, d'ailleurs, comme rumeur. C'est une rumeur, d'ailleurs, qui est considérée comme... Non, mais ça apporte déjà un élément de réponse à la Alors, question. Alors, attendez, je vais détailler. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un des thèmes les plus populaires sur Internet. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Donc, les chemtrails... Depuis 2-3 ans, si on peut dater. Non, plus. Plus que ça. Plus que ça. Vous direz combien ? Je dirais plus d'une dizaine d'années. Ouais. Donc, en fait, moi, je les ai parcourus, les sites. C'est tout le temps un peu la même chose qui tourne en rond. Vous savez, vous avez un site, et puis après, avec un site, vous en faites 100, et c'est exponentiel, la croissance de l'information sur Internet. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet, c'est ces fameuses... Traînées blanches qu'on voit dans le ciel. Alors... Ce qui est sûr, ce qui est connu, ce sont les contrails, donc les traînées de condensation. C'est un phénomène connu depuis le début de l'aviation civile. Le fait qu'en sortie de réacteur, l'air chaud soit en contact avec l'air froid à haute altitude, ça forme des traînées blanches. C'est un phénomène connu, c'est bien répertorié. D'ailleurs, je fais le détail dans le livre. Les différents types de traînées, donc les traînées, il y a des traînées qui sont courtes et qui s'évanouissent tout de suite, on peut l'observer par temps clair, donc ça c'est les traînées non persistantes, et ensuite il y a des traînées persistantes qui font des traînées longues, et des traînées persistantes et diffusantes qui font des traînées longues et épaisses. Et pourquoi cette différence entre les différentes traînées ? C'est lié aux conditions d'humidité, de température dans lequel l'air chaud du réacteur est expulsé. Voilà, donc ça c'est bien connu, c'est bien répertorié, il y a vraiment, tout ça c'est totalement compris par la physique et la chimie de l'atmosphère, il n'y a vraiment aucun souci. Maintenant il y a les chemtrails qui seraient, les chemtrails c'est autre chose, ce serait des traînées de l'épandage chimique à haute altitude. Du poison qui nous serait envoyé sur la gueule. Voilà, donc ça c'est une thèse qu'on voit beaucoup sur internet. Alors là je voudrais dire une chose, c'est qu'en fait la communauté scientifique méprise ce sujet, mais moi je ne l'ai pas méprisé en fait. Je l'ai pris au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, entre les gens qui n'y connaissent rien et qui, c'est pas de leur faute non plus, qui diffusent des thèses comme ça sans vraiment avoir réellement compris de quoi il s'agissait, et les scientifiques qui méprisent le sujet, donc ils ne le touchent même pas, moi je me suis mis entre les deux. Donc j'ai regardé, et j'ai fait un petit calcul de coin de table. Admettons qu'il y ait une volonté criminelle d'empoisonner l'humanité entière par ce moyen. Donc chaque année, chaque jour, il y a 80 000 vols. D'accord ? J'ai pris les chiffres de l'aviation civile qu'on peut trouver sur l'aviation civile. En France, 80 000 vols. Dans le monde. Dans le monde ? Dans le monde. D'accord. Là-dedans, il y a des longs courriers, des moyens courriers et des courts courriers. D'accord ? Donc ça fait différents types d'appareils qui peuvent emporter hypothétiquement un certain nombre de liquides qui seraient destinés à empoisonner la population, qui feraient des chemtrails. On est d'accord ? Donc je prends les 80 000 vols, je prends donc 80 000 appareils, je suppose que toute l'aviation civile est mobilisée, d'accord, admettons, pour les besoins de la démonstration. D'accord. Les défenseurs de la thèse des chemtrails vous diront non, il n'y a que certains avions... Justement, je fais le calcul jusqu'au bout. Donc je prends les 80 000 vols, je mets 10 tonnes de produits chimiques toxique pour l'homme par appareil, chiffre énorme, parce que la masse au décollage conditionne tout dans l'aviation civile. Vous avez le kérosène, bien sûr, le fret et les passagers. Donc tout ça, ça fait déjà une masse, mais je rajoute 10 tonnes, enfin, admettons, hein, je mets 10 tonnes pour les besoins de la démonstration de produits toxiques, et je multiplie tout ça par le nombre de vols. Donc j'obtiens un certain nombre une quantité de matière qui serait répandue chaque jour dans l'atmosphère. Ensuite, je divise tout ça par la surface de la Terre, puisque je suppose que le polluant se diffuse sur toute la Terre, on est d'accord ? Bah non, justement, elle se diffuse au-dessus des villes. En fait, j'ai même raffiné mon petit calcul, donc je considère qu'en fait, le produit toxique hypothétiquement déversé par les chemtrails se déverse sur les terres émergées, même j'ai même pris un 10% des terres émergées, enfin j'ai fait un calcul comme ça, et je montre en fait que même en mobilisant toute l'aviation civile, en plaçant 10 tonnes sur chaque appareil, ce qui est un chiffre énorme, et en supposant que tout ça se répand sur les terres habitées, je trouve que ça fait 1 centilitre par hectare, c'est-à-dire un chiffre totalement dérisoire, un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc voilà, c'est le genre de calcul que je n'ai vu nulle part en fait. Donc c'est quand même, je pense que c'était important de le faire parce qu'en fait, rien n'est jamais chiffré, répertorié, documenté dans les théories sur les chemtrails. Alors je suis prêt à recevoir tous les arguments, mais j'aimerais avoir des chiffres et des données, comment dire, fiables. Voilà. Donc en gros, vous nous dites que quand bien même chercherait-il à nous empoisonner par les avions, les quantités déversées sur nous sont totalement dérisoires et ne suffiraient pas pour nous, pour atteindre l'objectif. Oui, c'est ça. Donc je trouve que c'est un chiffre... la quantité déversée serait si faible, en supposant même que toute l'aviation civile soit mobilisée. Ce qui veut dire, on imagine mal des millions d'hommes capables de charger des centaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes impliquées dans ce projet pour finalement ne déverser que quelques centilitres par hectare. Et encore, c'est un chiffre complètement surdimensionné, puisque j'ai pris que des hypothèses favorables à la thèse des chemtrails pour tenter de la contrecarrer. Par contre, je suis prêt à recevoir tous les arguments des personnes en faveur de la théorie des chemtrails, je suis prêt à discuter avec eux, je ne suis pas fermé. Alors il y a un sujet sur lequel vous concluez votre ouvrage et qui... donne des perspectives pour les sciences futures, c'est ce sujet dont on parle beaucoup en ce moment, du transhumanisme. Et alors, c'est un sujet à la mode. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de critiques morales et politiques et philosophiques du sujet, mais je n'ai pas trouvé encore donc c'est peut-être moi qui ai fait la première, de critiques strictement scientifiques du transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est un mélange d'idéologie, de programme scientifique, de volonté politique, tout ça, c'est un peu un fourre-tout. Alors, ça résulte de quoi ? Ça résulte, en fait, d'une volonté d'une élite américaine de faire converger quatre domaines de la science. Ils sont les nanotechnologies pour la maîtrise de l'atome. On appelle les NBIC. NBIC, tout à fait. Les biotechnologies pour la maîtrise du gène. L'intelligence artificielle pour la simulation du neurone. Et les sciences cognitives. L'intelligence artificielle, excusez-moi, c'est pour la maîtrise des codes informatiques, et les sciences cognitives pour, la description profonde des neurones, leur compréhension, voilà. Donc ça, ces quatre domaines existent. L'intelligence artificielle, c'est un domaine des mathématiques et de l'informatique. Les biotechnologies, tout le monde connaît le séquençage ADN. Les nanotechnologies, c'est le résultat... de long développement de la maîtrise de l'atome, de la matière à l'échelle atomique, et les sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle les neurosciences. Donc tout ça, ça existe pris séparément. Ensuite, il existe bien sûr des connexions entre ces différents domaines, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Mais de là à dire qu'en fait, à partir d'une maîtrise totale de ces quatre champs, on pourrait refaçonner la vie dans son intégralité, parce que c'est un petit peu le projet des transhumanistes. Je trouve qu'on va vite en besogne. Moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a un mélange de vrai et de faux là-dedans. Bien sûr qu'il y a des volontés de transformer l'homme, on le sait. Mais de là à le transformer radicalement en une espèce totalement nouvelle, parce que c'est un petit peu le but affiché des transhumanismes, je pense qu'il faudrait quand même relativiser un petit peu. Donc certes, des choses existent, d'ailleurs on peut s'en inquiéter, ça c'est sûr. J'ai fait un petit peu un état de l'art de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, des neurosciences et des sciences cognitives. Donc oui, effectivement, il y a des choses fascinantes, très intrigantes, comme par exemple l'œil artificiel. Hein, ça, c'est les Allemands qui développent ça, donc ils ont toujours été fans d'optique. Et donc effectivement, il y a des progrès qui semblent assez époustouflants, mais qui sont encore relativisés. Et il y a aussi, derrière tout ça, parce qu'en fait, c'est un projet de la Silicon Valley, c'est un projet des dirigeants, des grands patrons de la Silicon Valley. Il y a le côté un peu dingue des Américains, souvent, qui sont un peu des grands enfants qui veulent tout tenter. Il y a un peu un côté faustien, il y a un côté business aussi, c'est ça qui est un peu caché. C'est qu'en fait, les transhumanistes, si on peut en parler comme d'une secte quelque part, tentent de noyauter un petit peu la société civile. On le voit en France, par exemple, avec Laurent Alexandre, qu'on voit souvent d'ailleurs à la télévision, qui défend cette thèse. Mais lui, par exemple, si on cherche bien, il est actionnaire d'une boîte de génétique. Son projet de transhumanisme, c'est aussi un projet de faire de l'argent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part de hype, de battage là-dedans pour vendre un truc dont on n'est pas encore sûr? Alors moi, je ne conclue pas, toujours pareil, c'est plutôt une critique scientifique, c'est-à-dire que j'essaie de voir ce qui est possible de ce qui n'est pas possible, de ce qui est délirant, ce qui relève du blabla, ce qui relève de l'enfumage, parce que ça peut exister aussi. Donc, à voir. Donc, bon, bien sûr, j'ai mon avis, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une volonté aussi d'enfumer un petit peu la population sur des projets comme ça, un peu délirants, qui sont pas forcément toujours étayés. D'ailleurs, il faut voir que la question de transhumanisme est complètement ignorée du milieu de la recherche institutionnelle. C'est un truc qui n'existe pas à l'université ni dans les centres de recherche. C'est complètement ignoré. Donc, c'est plutôt une affaire de gens, des outsiders, enfin, des gens qui sont à l'extérieur de la communauté scientifique, qui sont proches des milieux d'affaires, mais dans le milieu académique et de la recherche publique, que ce soit en France, aux États-Unis ou partout ailleurs, ça n'existe pas. C'est complètement perçu comme une thèse farfelue. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut peut-être aussi dire que les académiques, ceux qui sont en place, les institutionnels, auraient tendance à... Les universitaires installés, on va dire, auraient tendance à peut-être ignorer le sujet, peut-être par fainéantise aussi, parfois aussi. Donc, ou par... Voilà, donc c'est un sujet assez riche, effectivement, donc il y a beaucoup de choses à dire, et moi je m'interroge en fait sur la volonté réelle des dirigeants de Google, par exemple. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire? Je me suis posé la question, alors j'ai cherché longtemps sur internet, et c'est très difficile de trouver de l'information sur la société Google. D'ailleurs, il y a une société maintenant qui s'appelle Alphabet, qui chapeaute Google, qui est un immense groupe, qui rachète tout azimut. C'est très intéressant, parce qu'on va vers un monopole. Oui, exactement. De la recherche, c'est vrai, scientifique. Ah oui, oui. Malgré cette hyper-fragmentation, on observe ce phénomène que vous décrivez, de concentration monopolistique, qui est tout à fait impressionnant. En recherche appliquée, en tout cas, c'est sûr que les grandes entreprises américaines du web, les géants du web, Google, Alphabet en premier, ont une puissance de feu. Bon, ils ont avec l'argent gagné par leur situation de monopole sur les moteurs de recherche, ils ont une puissance financière et d'investissement qui est considérable. Et d'ailleurs, aux États-Unis, j'ai le chiffre en tête, il y a un quart de la recherche en biotechnologie qui est financée sur fonds privés. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est vraiment des entreprises qui peuvent établir des programmes de recherche comme des États, comme autant des États modernes. Hein, ils peuvent programmer de la recherche sur 10, 20 ans en embauchant des docteurs qui sortent d'université. Ils peuvent le faire. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas du tout considéré comme sérieux. Je parle du transhumanisme, là, hein, pour Alphabet, par les universitaires. Mais bon, toujours éthique. Je voulais finir sur un point, c'est qu'il est très difficile de trouver de l'information sur Alphabet, sur ses buts, c'est très très très difficile. Vous semblez toutefois évacuer une question, vous prenez la science comme un absolu, sans poser la question de la volonté politique qui oriente en quelque sorte les recherches scientifiques. Je pense par exemple au transhumanisme, on voit vraiment une volonté politique de pousser à ça. Dans des tas de secteurs, je pense notamment en France, le Grand Orient est très en avant sur cette question-là. Son nouveau grand maître Christophe Abbas, qui est ophtalmologiste au 15-20, est vraiment se pose en tout cas comme un spécialiste. Mmh. On sait l'infiltration de la franc-maçonnerie dans les milieux scientifiques. Est-ce que vous n'évacuez pas un peu rapidement la question politique par rapport à la recherche scientifique? Alors, moi, mon propos, c'est de savoir ce qui est raisonnable du point de vue scientifique, de ce qui est séparer ce qui est raisonnable du point de vue scientifique de ce qui est délirant. C'est ça mon propos. Après, je sais bien qu'il y a il y a de l'argent qui est distribué à telle et telle équipe de recherche, donc forcément, je sais bien qu'il y a une politique derrière. Donc, je n'évacue pas la question politique. C'est mon point de vue, si vous voulez, c'est vraiment de faire une critique scientifique du sujet, pas une critique morale ou politique. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce qui relève du sensé? Qu'est-ce qui relève du battage, de l'enfumage? C'est ça mon sujet, parce qu'en fait, je pense qu'il faut éclaircir la question. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que c'est tout à fait possible, je ne dis rien. Je cherche à voir ce qui est raisonnable de ce qui est délirant. À mon avis, c'est ça le plus important, c'est de donner des éléments pour pouvoir comprendre au moins la question en termes purement technologiques, tout simplement. Est-ce que c'est pas justement la limite de la science de se poser comme un absolu, indépendant des contraintes politiques, alors qu'évidemment, le politique est essentiel? Alors, déjà, c'est une question, non? Mais je vais prendre un exemple. Par exemple, la revue Science et Pseudosciences, dans laquelle écrivent des chercheurs souvent affiliés à la mouvance trotskiste, et se retrouvent de fait à faire du lobbying pour Bayer ou Monsanto, puisque leurs travaux collent à ce qu'ils font. Vous voyez que tout est politique, tout est économique. Tout est politique, tout est économique, c'est vrai. N'empêche qu'il y a quand même des choses qui semblent traverser les idéologies. Alors là, votre question, c'est de savoir est-ce que la politique pilote la science ou l'inverse ? Alors, de toute façon, la relation entre science et politique, elle est malaisée et elle est ambiguë, parce que les politiques n'y comprennent rien. On le voit quand ils visitent des installations, ils ont toujours l'air ahuris, ils posent des questions stupides. Les scientifiques, eux, veulent de l'argent, donc c'est un dialogue de sourds, tout le monde se ment un petit peu là-dedans, donc en fait c'est deux sphères un petit peu, comment dire, déconnectées. Alors bien sûr, il y a des liens, ça c'est sûr. À travers l'armée notamment. Oui, l'armée. C'est surtout ça qui conduit à mon avis les politiques à se rapprocher des scientifiques. Mais si vous dites que la science est complètement pilotée par la politique, c'est vrai en partie. Mais prenons par exemple la guerre froide, l'opposition entre les États-Unis et l'URSS, et les physiciens américains et les physiciens soviétiques, ils font la même physique. Donc, certes, les dirigeants peuvent vouloir orienter la recherche dans telle ou telle direction, mais finalement, à la fin, ils se retrouvent, les physiciens soviétiques et les physiciens américains, parlaient le même langage, exactement le même. Donc, il n'y a pas de... Alors, c'est quelque chose, effectivement, donc on peut penser là qu'il y a des vérités, des énoncés scientifiques qui semblent transcender les idéologies. Alors ensuite, ça c'est pour actuel, c'est pour l'époque contemporaine, c'est l'époque pour l'époque moderne. Je ne dis pas que dans 500 ans ce sera vrai ou qu'il y a 1000 ans c'était vrai. Je dis qu'aujourd'hui ça semble un petit peu dépasser tout ça. La question c'est de savoir si, par exemple pour la question du transhumanisme, quelque chose qui pourrait paraître fou a priori, compte tenu de la volonté des politiques de contrôler les populations, et c'est de ça dont on parle, est-ce que finalement cette chose qui peut paraître folle n'est pas en réalité tout à fait sensée? C'est ça la question. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, les populations sont déjà manipulées. Il y avait Michel Drac, l'autre jour, j'écoutais, il parlait de la zombification de la société. C'est déjà le cas, c'est déjà à l'œuvre. En fait, donc il n'y a pas besoin d'imaginer des trucs délirants, c'est déjà là. La manipulation des masses par la technologie, elle est déjà présente. Par la télévision. Par la télévision, par les smartphones, par les médias, les réseaux sociaux, c'est déjà présent. Donc pourquoi imaginer des créatures de Frankenstein alors que le mal est déjà là devant nous? Donc la manipulation de la population par la technologie, c'est un fait présent, contemporain, réel. Donc Voilà, je ne vois pas de nécessité d'aller chercher des chimères. Jérôme Alzan, Mythe et réalité de la science, des principes fondamentaux à la fuite en avant du transhumanisme chez Contre-Culture, donc sur www.contreculture.com. 20€ pour 243 pages, hein. Un ouvrage avec d'ailleurs des illustrations en couleur, c'est une chose assez rare pour être souligné. Une quarantaine de figures. Voilà, un ouvrage très didactique, hein. On comprend bien ce que vous dites. Oui, le but c'est de faire passer un message et de donner des outils, des éléments au lecteur pour qu'il puisse juger en conscience. Jérôme Alzan, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Et chers auditeurs, on se quitte en musique sur les notes de La Mota. Son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Balade Sicilienne. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.